Les navigateurs célèbres, Augustin de Boileau, l'or des Indes, par Edmond Neucomb. En 1619, la Seine n'étant pas embasée comme maintenant, Rouen, bord de mer, balançait l'importance de Dieppe, de Honfleur et du Havre. D'accord avec des marchands parisiens, ses armateurs lançaient des flottes entières à destination des terres les plus lointaines. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique n'avaient plus de secrets pour leurs capitaines, et dans leur impatience de se créer de nouvelles sources de richesses, ils envoyaient ceux-ci découvrir au hasard de la fortune des mers immenses où la trouvaille d'une île équivalait à la possession d'une mine d'or. Donc, en cette année 1619, le 2 octobre, trois navires de fort tonnage, le Montmorency, l'Espérance et l'Ermitage, armés chacun de 25 canons ou à peu près, quittaient la capitale normande sous le pavillon alors tout-puissant de la Compagnie des Indes orientales, mitigée des armes rouennaises qui représentent un mouton. Le général de cette flotte, Augustin de Boileau, un enfant de la ville, avait 30 ans à peine lorsqu'il fut chargé de cette mission. Mais il s'était illustré déjà par de nombreuses et fructueuses campagnes. Aussi l'expédition projetée ne pouvait-elle être en meilleures mains. Son programme tenait en quelques mots, visiter Java, Sumatra et la presqu'île de Malacca, s'y procurer du poivre si possible, autrement naviguer à l'aventure et en tout cas ne revenir que richement chargé. La traversée, le tour de mer du Cap de Bonne-Espérance, s'exécutèrent dans les meilleures conditions. Et tout s'annonçait merveilleusement lorsqu'en route, Boileau apprit que Batavia, capitale de Java, était au pouvoir des Hollandais. C'était un contretemps fâcheux, parce qu'assurément ils ne le laisseraient point trafiquer, en tant que la France leur était une épine au pied en cet endroit. Mais ses ordres étaient formels. Avant de naviguer à l'aventure, il devait aller à Batavia et il se dirigea sur ce point. Seulement, comme son navire avait besoin de réparation, il prit momentanément refuge à Madagascar et envoya en avant l'Espérance, commandée par le capitaine Gravé. L'endroit où il atterrit sur la côte de la France orientale était la baie de Saint-Augustin. Il y resta 15 jours, durant lesquels il entra en harde, c'est-à-dire en trafic avec les indigènes. Il lui apparurent les nègres les plus beaux qu'il eût jamais bien vus, grands, gais, point bruts, bien découplés, bien nourris, nullement camus ni lipus ou ayant de grosses lèvres, ni ayant la mauvaise odeur qu'ont ceux de Guinée, fort curieux de leurs dents très blanches qu'ils frottent tout le temps avec un morceau de bois, curieux aussi de leur chevelure, laquelle est longue et frisée, et relevée en haut et au sommet de la tête tressée en divers cordons. Leur chef portait en permanence un costume d'apparat composé d'un pagne ou pièce de coton fort tissé de 2 ou 3 couleurs. Il avait comme bijou royal, appliqué sur son front, un palais d'os ou d'ivoire très blanc, du module d'une pièce d'un écu, plus de grands anneaux de cuivre aux oreilles, sans préjudice d'une rivière d'ambre fin et d'un collier de verroterie au cou. Ce roi était né pour la harde, mais il semblait si retors, par ses longs marchandages, que Boileau désespérait de faire des affaires avec lui. Il avait la prétention de ne traiter qu'en troc de chaînes d'argent. Le général se défendait bien de ce système, contraire à toutes les coutumes d'échange, mais c'était en vain. Le malgache tenait bon. Alors Boileau eut une idée lumineuse. Il fit fondre un plat d'étain et en confectionna de menus objets sur lesquels les indigènes se jetèrent de préférence à l'argent à cause de leur éclat tout battant neuf. De cette manière, il eut tout ce qu'il voulait avoir en marchandises, plus pour le voyage, et en échange d'une demi-douzaine de petites cuillères, il obtint un nombre considérable de volailles, des œufs et du lait, bien enfermés dans des calebasses où ils se tenaient frais, et si puissant bœuf qu'il fit saler. Aux îles Comores, où le vent ne donnant pas suivant son idée, Boileau fit halte, il s'informa d'un bon pilote pour le mener au Cap Camorin. Il en découvre un, le bijou, la pierre précieuse, l'oiseau bleu de ses parages. Mais il est musulman, comme toute la population de l'archipel, et l'équipage consulté, prendre à bord comme pilote un gentil, ce serait offenser gravement le dieu des chrétiens et peut-être aussi celui des musulmans. On partira donc sans pilote, à la grâce de ces deux divinités sans doute, et l'on va flâner aux côtes de l'Arabie en attendant que les vents permettent de faire route à l'est. Chemin faisant, et pour se distraire, on fait la chasse à un navire dont le capitaine se dérobe à bord d'une barque où il a eu soin de charger tout ce qu'il avait de précieux. Nos Rouennais sautent néanmoins sur ce navire, y croyant faire bonne prise. Mais pour tout bien, ils y découvrirent quelques douzaines de mendiants qui venaient de la Mecque. Après une traversée laborieuse, on aborde à Ticao, sur la côte occidentale de Sumatra. Le poivre est abondant, mais il est défendu d'en vendre sans la permission du roi d'Aceh, le joli nom pour un pays de poivre. Beaulieu ira donc à Aceh. Là, le souverain lui fait une réception solennelle, presque pompeuse. Le général répond par les cadeaux d'usage, puis on commence à parler poivre. Alors, la scène change. Oui, certainement, il aura du poivre, mais Sa Majesté s'est réservée de vendre tout son poivre à elle avant qu'aucun de ses sujets n'en puisse apporter un seul grain sur le marché. S'entendant merveilleusement au trafic, le roi le vend fort cher, quelque chose comme le double, le triple de sa valeur, et souvent il donne l'exemple de la fraude en le mouillant et en le mélangeant de sable noir, sans compter qu'il en achète en sous-main et à bas prix pour faire durer plus longtemps son exploitation. De plus, quand il daigne traiter avec les étrangers, il les oblige à lui en acheter une certaine quantité fixée par lui et au prix qu'il veut. Il faut en passer par là, et Beaulieu s'incline, mais il n'est pas au bout de ses peines. Le monarque ne reçoit les étrangers, comme en général toute personne de marque, qu'en audience solennelle, et chaque fois que le général en demande une, il est obligé de l'acheter à prix d'or aux grands dignitaires qui seuls peuvent la lui faire obtenir, indépendamment des présents pour le roi. Car sans cadeau, on n'est pas admis à parler à Sa Majesté. À ce métier, tout autre se fût lassé, mais Beaulieu était un persévérant. Aussi bien, il a, du souverain, 20 audiences en 6 mois, mais sans résultat, jusqu'au jour où, soudainement, ce royal accapareur le prend en affection et lui accorde tout ce qu'il veut, mais à des conditions léonines. Alors ce sont des fêtes continues. Le roi convie le général à des festins qui rappellent ceux du grand khan de Tartarie. Il lui montre ses caves, pleines d'or, et lui fait les honneurs de son sérail, grand comme une ville, où les femmes sont resplendissantes de pierreries. Il lui fait le tableau magique de sa toute-puissance, de ses projets jamais contrariés, de sa volonté accomplie aussitôt que devinée. Et Beaulieu, qui a eu le temps d'apprendre sa langue en attendant son poivre, lui demande s'il est vraiment heureux. Heureux ? Quelle ironie, heureux! Mais il tremble incessamment pour ses jours. Il craint les riches, et tous les jours il en fait exécuter pour s'en débarrasser d'abord, et aussi pour en profiter, car il hérite de ses victimes. Souvent même, il fait inventorier toutes les richesses du défunt, et si sa succession ne répond pas à ses espérances, il met à la question ses femmes, ses enfants et ses serviteurs. Il craint aussi les amis du peuple, les philanthropes, les charitables, car lui ne donne jamais rien, thésaurise toujours et prend pour voleur tous ceux qui ne lui versent pas tout ce qu'ils ont. Enfin, il craint les femmes, à l'égard desquelles sa jalousie ne connaît point de bornes. Pour un cri poussé, la nuit, dans le harem, par une dormeuse, il fait torturer 3 de ses femmes, auxquelles il fait ensuite couper les pieds et les poings, et sa propre mère, qui ne trouve même pas grâce auprès de lui, est jetée aussi dans un cachot noir. Se promenant un jour avec Beaulieu dans les jardins immenses de son palais, où 3000 femmes, indépendantes du sérail et autant d'eunuques, montaient la garde, le roi lui montra, parqué dans une sorte de redoute, 500 jeunes hommes, bien armés, dont, lui dit-il, les fonctions consistaient à surveiller sa noblesse. Celle-ci, composée des orankai, ou seigneurs, était divisée en 3 groupes, et chacun de ces groupes, à tour de rôle, était de service au château pendant 24 heures sans armes, de sorte que si l'idée lui emmenait jamais, il pourrait, sans bruit et en 3 séances, se débarrasser de tous ses nobles. Et en vérité, cette idée lui vint presque ce jour-là. Il eût été heureux de faire étalage de sa toute-puissance aux yeux de son hôte rouennais. Mais Beaulieu se défendit d'un tel honneur, et redoutant à bon droit pour lui et pour les siens quelques caprices parés de son royal protecteur, il s'empressa de quitter cette côte pleine d'imprévus. Avec ses 2 navires, il gagna Batavia, but principal de son itinéraire. Mais arrivé là, il eut la douleur de trouver son lieutenant Gravé se mourant de consomption dans un lazaret. L'Espérance avait subi de rudes assauts. Rencontré par un navire hollandais, le Horn, commandé par Wilhelm Schouten, celui-là même qui avait, le premier, franchi le détroit de Lemaire, entre l'île des États et la pointe sud-orientale de la Terre de Feu, ce beau vaisseau, malgré son artillerie, s'était vue pillée et maltraitée par ce farouche écumeur. À la vérité, le commandant du Horn avait, le combat fini, reconnu que sa commission lui interdisait de s'emparer de navires français. Mais le mal était fait. L'Espérance, très désemparée, continua cependant son chemin, malgré son équipage décimé. Son capitaine fut même assez heureux pour pouvoir acquérir à bas prix une cargaison qui valait 800 000 écus. Mais au moment où il s'apprête, ne retrouvant plus le vaisseau amiral à reprendre le chemin de la patrie, les Hollandais l'attaquent de nouveau, et cette fois sans consulter leur commission, pillent son navire et le brûlent. Gravé n'a plus rien. Dans les deux rencontres, tous ses compagnons ont disparu, tués, noyés ou capturés. Misérablement, il se traîne jusqu'à Batavia, où il arrive épuisé, juste à temps pour revoir son général et mourir dans ses bras. Ce triste dénouement donne à réfléchir à Beaulieu. Il se rappelle ses premières appréhensions et se hâte, après avoir complété sa cargaison par diverses épices autres que le poivre, afin de ne pas trop s'attirer l'hostilité des Hollandais, de quitter ces parages inhospitaliers. Bien lui en prit, pour le moment du moins, car il ne devait pas tarder à tomber dans une embuscade dressée, paraît-il, par la flotte même de l'administration coloniale. Il se défendit à outrance et eut le bonheur d'échapper à ses corsaires officiels, mais son vaisseau d'assistance, l'Ermitage, fut moins heureux. Capturé par les Hollandais, il eut le sort de l'Espérance. Il n'en resta ni un homme, ni une planche, et les marchandises qu'il remplissait allaient grossir le stock de l'entrepôt royal de Batavia. Les choses se passaient de la sorte en ce temps-là, et les nations ne songeaient pas même à s'en plaindre de l'une à l'autre. Obligé de se réfugier à Ticao pour réparer ses avaries, Beaulieu eut à lutter contre un autre ennemi, la fièvre, qui lui enleva la plus grande partie de son monde, au point que, lorsqu'il quitta définitivement les zones hollandaises, il n'avait plus avec lui, en comptant les pertes de l'Espérance et de l'Ermitage, que 75 hommes sur 273 qu'ils étaient à l'origine. On part donc de Ticao le 1er janvier 1622. Les cœurs sont remontés, les épreuves sont vite oubliées, et l'on vogue en toute confiance sur le chemin frayé des Indes en Europe. Au cap de Bonne-Espérance, une alerte se produit, mais une alerte qui cause un instant de suprême allégresse. On joint, en effet, un navire hollandais qui revient, richement chargé, de Sumatra. Et il a perdu presque tout son équipage, et il tire le canon pour appeler à son secours. C'est le moment de se venger des mésaventures écoulées, et Beaulieu s'apprête à le secourir comme Schouten avait secouru l'Espérance. Par malheur, trois gros navires qui se trouvent dans les environs accourent pour offrir leur assistance et font manquer ce plan de bonne réciprocité. « Si j'avais eu tant de bonheur que de le rencontrer seul, écrivait le général, nos différences se fussent vidées sans procès, et j'eusse eu largement moyen de satisfaire les prétentions des messieurs de notre compagnie et celle de nous autres particuliers qui avons perdu une partie de nos moyens par la supercherie des Hollandais, notamment lors de l'embrasement du vice-amiral, l'Espérance, fait traîtreusement par eux. Mais Beaulieu n'en avait pas fini avec ces implacables sanctions de Hollande. Deux des sauveteurs improvisés du navire en détresse, et qui très probablement avaient procédé suivant son système, malgré l'identité de leur pavillon, n'eurent d'autre hâte, leur tâche achevée, que de donner la chasse aux Français, assez osés pour apporter du poivre des colonies néerlandaises. Ils le rattrapent à la hauteur de Sainte-Hélène et veulent lui chercher querelle. Mais Beaulieu, par son énergie, se tire encore une fois de ce mauvais pas. Il se rend à bord du vaisseau amiral étranger, exhibe sa commission, exige que son adversaire lui montre la sienne, et faisant appel à l'honneur de leur dignité commune, il obtient de passer son chemin. Ce fait se passait le 21 juin. 15 jours plus tard, le Montmorency est en vue de l'île de l'Ascension. Maintenant on est sauvé, ou à peu près. Mais le navire, qui a beaucoup souffert, à la suite de toutes les tempêtes essuyées depuis 3 ans et demi et plus qu'il tient la mer, commence à faire eau de tous côtés. Pour comble d'infortune, tout le monde tombe malade à bord, y compris le général. Péniblement, on arrive au Cap-Vert, mais il était grand temps, car la coque disjointe du Montmorency menaçait de s'entrouvrir à tout moment. L'équipage avait même comploté de la faire échouer à l'île Saint-Antoine et de l'abandonner. Mais cette fois encore, l'énergie de Beaulieu sauva la fortune de ses armateurs et la vie de ses compagnons. aussitôt à terre, il débarque tout son monde, sauf les ouvriers indispensables pour le radeau du navire. Il emmène ses hommes au loin, dans la campagne, voire dans la montagne. L'air pur, les plantes vertes en légumes, les aromes âcres des herbes médicinales, et surtout l'exercice, la chasse, la pêche, sans compter l'exemption de tout souci, se remettre souverain, ont bien vite ramené la santé, la bonne humeur dans ses corps épuisés, dans ses cœurs ulcérés. En 15 jours, tous sont prêts à reprendre la mer, et c'est au milieu de cris de joie que le Montmorency, bien calfaté, remis à neuf et peint à vive couleur, quitte la rive africaine pour s'acheminer définitivement vers les côtes de France. Le 1er décembre 1623, après 38 mois d'absence, Beaulieu faisait son entrée au Havre, devenu le grand marché aux épices, avec le seul navire qui lui restait, et en tout 60 hommes, c'est-à-dire pas même le 6e de son effectif d'origine. Quelques jours après, sa ville natale était en liesse pour le recevoir. Au beffroi, la cloche d'argent sonnait à toute volée, et le corps de ville se rendait solennellement à la rencontre de l'intrépide Rouennais. Le port, les rues fourmillaient d'une foule avide de contempler ses traits, et c'est au milieu des acclamations qu'il alla prendre sa place à la vicomté, où lui furent décernés, en récompense de ses efforts, les honneurs dus à sa persévérance et à sa réussite. Ainsi s'achèvent Les navigateurs célèbres, Augustin de Beaulieu, L'or des Indes, par Edmond Neucomb.